Vitaliho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Le parti MRC se réjouit du rapport qui a été présenté hier mercredi par l'envoyé spécial de l'ONU pour le Burundi devant le Conseil de sécurité. Il donne notamment la priorité au dialogue inclusif entre protagonistes au conflit burundais. On fait le point dans cette édition. L'ONG locale Parsem appelle les autorités policières à sensibiliser ses corps sur la nouvelle loi régissant ce corps. Le président de cette organisation estime que les différents services devraient s'y référer pour améliorer certaines situations. Et puis, dans la commune Guihanga, en province de Bubanza, au nord-ouest, trois personnes parmi celles qui avaient été libérées la semaine dernière de la prison centrale de Bubanza ont été arrêtées de nouveau. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'envoyé spécial des Nations Unies pour le Burundi a présenté ce mercredi au Conseil de sécurité des Nations Unies le rapport d'activité qu'il a déjà effectué dans le cadre de la médiation de différents acteurs dans la crise burundaise. Selon Michel Kafando, il est ressorti de ces entretiens qu'il y a des appréciations divergentes sur la situation politique qui prévaut dans le pays. La première exigence, selon toujours Kafando, est de donner la priorité au dialogue inclusif. Le point avec Aubin Niyonkuru. L'analyse qu'a faite Michel Kafando devant le Conseil de sécurité des Nations Unies est qu'il y a des appréciations divergentes sur la situation politique qui prévaut dans le pays. Les autorités burundaises estiment que la situation générale est calme et dénoncent les interférences étrangères. Quant aux représentants de l'opposition politique et certains de la société civile, pour leur part, ils s'inquiètent de ce qu'ils qualifient de dérive autoritaire actuelle du pouvoir et demandent la suspension du processus de révision de la Constitution, a dit Kafando. La situation socio-économique continue de se dégrader, constate-t-il, en raison de la conjoncture politique tendue qui dissuade l'engagement des investisseurs privés nationaux et internationaux. Le chômage, notamment des jeunes, étant aussi une réalité. Cette situation entraîne, selon Kafando, des départs de populations vers les pays voisins, ce qui accroît le nombre de réfugiés. Quant à la situation sécuritaire, il dit qu'elle s'est améliorée depuis le début de l'année. À Bujumbura, selon Kafando, tout semble calme. Il note toutefois que ces dernières semaines ont été marquées par des attaques à la grenade. Michel Kafando a aussi réaffirmé son soutien à la médiation menée par la sous-région. Il recommande aux Nations Unies de soutenir également ses efforts. Avec le soutien de l'Union africaine, et je recommande fortement que les Nations Unies accompagnent et soutiennent résolument ces efforts. À terme, même s'il faut encore un tout petit peu de patience, nous arriverons certainement à un compromis dynamique. La première exigence, selon cet envoyé des Nations Unies, est de donner la priorité au dialogue inclusif, condition sine qua non à tout règlement de la crise, c'est-à-dire un dialogue impliquant l'opposition en exil et celle de l'intérieur. De ce point de vue, l'accord d'Arusha doit demeurer la norme de référence et la pierre angulaire. Aubin Niyonkuru, le parti MRC Rurenzangemero se dit satisfait du rapport qui a été présenté ce mercredi au Conseil de sécurité des Nations Unies par l'envoyé spécial Michel Kafando. Le président du MRC se réjouit que l'ancien président du Burkina Faso soutient le maintien de l'accord d'Arusha, mais aussi appelle au dialogue inclusif entre protagonistes au conflit. Juvenal Ngoguanubusa, président du MRC, insistait sur le dialogue inclusif, mais n'entend pas de la même manière ce que le gouvernement appelle souveraineté nationale. La volonté de Kafando et de la région de résoudre les problèmes burundais est confrontée à un discours qui ne change pas dans l'IOTA et qui tient au mot souveraineté. Ici, je voudrais que les Burundais sachent ce qu'est la souveraineté et surtout ce qu'elle n'est pas. La souveraineté ne se jauge pas aux 2 millions de Burundais qui sont à l'extérieur. La souveraineté ne se jauge pas par les morts et les torturés. La souveraineté ne se juge pas par la crise économique grave que nous connaissons aujourd'hui, où les produits de première nécessité manquent. La souveraineté ne se juge pas parce que le Burundi est en quarantaine de la communauté internationale. La souveraineté, ce n'est pas le droit de refuser le dialogue, parce que de toute façon, l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation qui a été signé en 2000, l'a été alors que le Burundi était aussi souverain, et peut-être plus souverain qu'aujourd'hui. Et d'autant plus que ceux qui ont demandé la souveraineté de notre pays sont parmi ceux qui sont pourchassé par le pouvoir. Et je pense donc que suite à cette intervention de Michel Kafando, nous pouvons raisonnablement avoir de l'espoir, puisque c'est une personnalité qui vient d'un pays, le Burkina Faso, qui a connu des problèmes similaires aux problèmes du Burundi. C'est une personnalité qui a pris le temps d'écouter tous les protagonistes, et qui soit au Burundi, dans la région ou au niveau de l'Union africaine. Et je pense qu'il est soutenu en même temps que Mkapa par la communauté internationale en général, et je ne doute pas une seule seconde qu'un jour le gouvernement acceptera de négocier avec son opposition. Vous espérez quel serait l'appel à lancer ? Lorsque la communauté internationale à plusieurs reprises demande à un pays de faire quelque chose, il faut bien se résoudre à l'accepter. Parce qu'il ne sert à rien de jouer solo, il ne sert à rien de se mettre en quarantaine de la communauté internationale. Et je pense donc qu'en bonne règle, le gouvernement devra accepter. La rédaction de la radio Isanganiro a cherché à joindre Nancy Ninette Mutoni, chargée de la communication au sein du CNDD-FDD au pouvoir. Son téléphone sonnait, mais ne répondait pas. La PARCEM appelle les autorités policières à sensibiliser ses corps sur la nouvelle loi régissant la police nationale, car elle doit marquer une étape décisive dans le changement de comportement des uns et des autres. Le président de cette ONG, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, lors d'un point de presse de ce jeudi, a indiqué que les différents services doivent s'y référer pour améliorer certaines situations décriées souvent par les rapports produits sur les droits de l'homme au Burundi. Depuis un certain temps, une polémique s'est invitée dans le débat sur la problématique de violence des droits de l'homme au Burundi, surtout au moment où les rapports étaient sortis par certaines ONG internationales. Mais nous disons, si un rapport sort sur des cas évidents qui ont été mentionnés, la contestation devrait partir sur une contre-expertise de la part du gouvernement sur des cas spécifiques. Maintenant, alors, on ne peut pas rester dans cette polémique. On devrait partir de certains instruments nationaux qui peuvent faire avancer le respect des droits de l'homme dans notre pays. Et aussi, la loi invite à la transparence. Donc, que la police doit agir dans la transparence. C'est l'article 12. Ça veut dire qu'on devrait nous faire voir d'une manière transparente toutes ces actions policières. On devrait alors rééditer le mécanisme, la dynamique d'observation dans les cachots, parce que les rapports de situation carcérale montrent toujours que la réduction n'est pas toujours au rendez-vous. C'est pour cela vraiment que PARCEM insiste. D'abord, la sensibilisation des corps de police, des services de sécurité, de renseignement, avec même les citoyens, sur cette nouvelle loi. Il faut que cette loi marque une étape décisive dans l'orientation, dans le changement de comportement des uns et des autres. On ne devrait pas rester dans la même situation d'avant la loi, alors qu'elle était censée améliorer la situation. Inviter les gens à respecter la loi, qualifier la responsabilité des uns et des autres. La police judiciaire des parcs, le ministère public, les services nationaux de l'enseignement. Revoir aussi la collaboration de la police avec les civils. Aussi rappeler que la police est en matière d'arrestation sous les ordres du ministère public, sans oublier qu'il faut combattre avec la plus grande énergie ces actes de torture ou de traitement dégradant. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. 13h05 à Bujumbura et sur Isanganiro. Le nombre élevé de demandeurs de permis de conduire biométrique après l'échéance du mois de mai a fait que la capacité du bureau de production de la police de roulage soit dépassée. Ces propos sont d'Alfred Innocent Mousselemou, commandant de la police spéciale de roulage, après que certains habitants de la capitale Bujumbura aient indiqué qu'il y a un retard dans l'obtention de leur permis. Toutefois, il ajoute que ajoute le commandant, après fabrication, le propriétaire du permis de conduire biométrique reçoit un message téléphonique. Après que la période limite de changement de ces permis de conduire qui était fixée au 13 mai 2007 venait à expirer. Et à ce moment, il y a eu un afflux de citoyens qui sont venus ici pour demander le changement de leur permis de conduire. Ils sont venus tellement nombreux que nos capacités d'accueil et de production ont été dépassées. Et c'est pourquoi alors aujourd'hui, il se manifeste que des gens ont attendu un peu longtemps, c'est-à-dire à partir du 13 mai. Pour le moment, on est en train de servir ceux qui ont déposé leur dossier vers la fin du mois de juin. Et la nouveauté est que les gens qui ont demandé le changement de leur permis de conduire doivent attendre un message dans leur téléphone et qui leur précisant s'ils doivent passer, récupérer leur permis de conduire ou bien si leur permis de conduire n'a pas pu être changé en permis biométrique pour des raisons qui lui seront communiquées une fois qu'il se sera présenté à nos bureaux. Il y a l'un ou l'autre qui ont déposé leur dossier il y a très longtemps, qui peut-être sont parmi ceux qui se lamentent, mais qui n'osent pas dire que leur permis de conduire n'a pas été octroyé parce que les dossiers qu'ils ont présentés étaient incomplets ou bien que les permis de conduire qu'ils avaient présentés pour être échangés étaient de faux permis. Donc, il y a diverses raisons qui font qu'un permis de conduire peut ne pas être échangé. Comme je le disais, il y a par exemple les faux permis qui ne peuvent pas être échangés, les permis qui ont été validés ailleurs qu'à la police nationale, donc qui ont de fausses validations, les permis qui ne sont pas valides, ces permis-là ne sont pas changés, donc toutes les personnes qui estiment qu'ils ont attendu un temps assez long pourraient passer ici à nos bureaux pour s'inquiéter de la situation de leur permis de conduire et savoir si ces permis ne présentent pas d'irrégularité. Sur les possibilités qu'il puisse y avoir des personnes qui peuvent s'arroger le droit de conduire les véhicules dont les catégories ne figurent pas sur leur permis, le commandant de la PCR dit que celui-ci s'exposerait à des risques énormes. Écoutez encore une fois Alfred Innocent Mousselemou, le commandant de la PCR. Au dépôt du dossier, on leur donne un récépissé qui atteste qu'ils ont présenté leur dossier pour changement de permis de conduire. Avec ce récépissé-là, ils peuvent conduire les véhicules comme ils le faisaient avant, en attendant juste d'être servis, donc d'avoir leur nouveau permis biométrique. En ce qui concerne la possibilité qu'il y aurait que des gens puissent conduire des véhicules dont ils n'ont pas la catégorie de permis de conduire, je trouve que la personne qui pourrait faire ça serait une personne insensée, étant donné qu'on sait que lorsqu'on fait un accident avec un véhicule dont la catégorie de ce véhicule ne figure pas sur votre permis de conduire, les compagnies d'assurance ne remboursent pas. Ça veut dire que la personne qui s'aventurerait à conduire un véhicule alors qu'il n'a pas de catégorie de permis de conduire exigée, courirait donc des risques énormes. Et nous osons espérer que aucune personne sensée ne pourrait faire cela. Trois personnes de la colline Buringa, c'est dans la commune Gihanga en province de Bubanza, au nord-ouest du pays, qui avaient été libérées de la prison centrale de Bubanza la semaine dernière, ont été encore une fois arrêtées le matin de ce jeudi. Au niveau de la police, on indique qu'elles ont été arrêtées pour revoir leur dossier. Leur jugement avait été caractérisé par des irrégularités selon le commissaire provincial de la police à Bubanza. Spes Caritas Kabanyan. C'est ce jeudi matin que ces trois hommes de la colline Buringa, en commune Gihanga, ont été arrêtés par la police et conduits manu militari à Bubanza. Sengiyumva Théodore, Nsabimana Gérard et Aimable Nibaruta avaient été libérés de la prison centrale de Bubanza la semaine passée après une année de détention. Ils étaient accusés d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Leur famille s'inquiète de cette arrestation, étant donné qu'ils avaient purgé leur peine d'une année. Le procureur de la République à Bubanza nous a a indiqué qu'il enquête encore sur cette arrestation. Au niveau de la police, on précise que ces hommes auraient été arrêtés pour revoir leur dossier qui aurait été caractérisé par des irrégularités selon OPC1 Damien Emmanuel Nizigimana, commissaire provincial de la police. À titre de rappel, Nzengiyumva Théodore, Nzabimana Gérard et Nibaruta Aimable avaient été arrêtés le 25 juillet l'année passée, accusés de détention illégale de Motorola. C'est Caritas Kabanyana, Ubanza, Adieu Isanganiro. À la source, reportage. Le reportage de ce jeudi nous conduit en commune Matongo de la province Kayanza, une commune spécialisée dans la culture de maracuja. Les cultivateurs de ce fruit affirment qu'il a une grande importance, seulement une maladie attaque les champs. Au niveau de la Direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage, à Kayanza, l'on indique être au courant et un produit phytosanitaire est disponible en vue de parier à ce problème, Mireille Kanyang. Jewe igitegwa cy'amabungo cyaramfashije cyane kuko sinahahombeye cyane nkaho umuntu yovuga ngo ntiyungutse. Il affirme que le maracuja lui est d'une grande importance. Sendai Sabaterance, propriétaire de champs de ce fruit, il habite la commune Matongo de la province Kayanza. Sinzumus Edouard, également propriétaire de champs de maracuja, précise de son côté que ce fruit est le plus cultivé dans cette commune et passe même avant le café. Ici, c'est la première culture qui donne beaucoup de moyens aux agriculteurs. Le maracuja vient en val au café parce qu'il peut être récolté chaque mois. Vous savez qu'il y a l'exiguïté des terres. Chacun fait son possible pour planter le maracuja, même dans un petit espace. Celui qui a des moyens peut cultiver dans un espace de 70 mètres sur 50. Par exemple, moi, j'ai 20 mètres sur 20. Maintenant, c'est la saison sèche. Il y a une petite production, mais pendant la saison pluvieuse, on peut avoir 50 kg toutes les deux semaines. D'une importance capitale, oui, malheureusement, une maladie a attaqué leurs champs. Un produit phytosanitaire est déjà disponible, tranquillise Martien Nitunga, directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Kayanza. Les relations entre le Burundi et le Rwanda, qui ne sont pas au bon fixe, ont touché les recettes provenant de cette culture, indique Terence Ndaisaba. Dans ces derniers jours, on pouvait exporter le maracuja vers les pays étrangers. Mais aujourd'hui, le maracuja n'est plus exporté vers le Rwanda, le plus grand marché pour notre maracuja. Ce n'est plus possible suite aux événements qu'a traversé le Burundi. Le prix du maracuja a sensiblement chuté jusqu'à 400 francs burundais par kilogramme, alors qu'auparavant, un kilogramme pouvait s'acheter à 1200 francs. Burundi. Dans cette commune de Matongo, plus précisément à Bandaga, il y a une unité de transformation de jus de maracuja Transjuma. Zakari Sinumvayara est directeur de cette unité. Il nous parle des principaux marchés d'écoulement de ce jus. On vend nos jus ici à Matongo. Ceux qui passent par ici, en Ravengozi, Muyinga ou à Bujumbura, ils en achètent. Il y a d'autres personnes qui prennent ce jus pour les acheminer à Kayanza, Gitega, Ngozi, même à Bujumbura. On va partout nos jus. Cette unité de Bandaga, aujourd'hui en réhabilitation, reprend ses activités en début de ce mois d'août. Les communes Muruta et Kabarore, proches de la Kibira, vont également faire objet de cette culture de maracuja, comme indiqué par le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Kayanza. Mireille Kanyange. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Albert Ndouaïo pour la parfaite collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir. Léonce Huitariho.